3A. Messieurs, dames, vous avez choisi ? Oui, comme entrée pour moi, la salade exotique. D'accord. Et pour vous, monsieur ? J'hésite. Le bissap, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est un sirop à base de fleurs d'hibiscus, de sucre, de gingembre et de menthe sans alcool. Je vais goûter. Très bien. Alors, le melon pour vous, monsieur. Et ensuite ? Je sais pas. C'est quoi le mafé ? Voyons. C'est un plat typique du Sénégal, à base de viande, de poisson séché, avec des pommes de terre, des navets, des carottes, de la citrouille, du chou. Tout ça avec une sauce à la cacahuète. Et comme garniture, on sert du riz. D'accord. Et le poulet, y a ça ? Le poulet a été mariné puis grillé avant d'être mijoté dans une sauce spéciale. C'est la sauce qui fait tout. Et cette sauce, elle est épicée ? Voyons, un peu. C'est une sauce avec des oignons, avec du piment. On sert ce plat aussi avec du riz. Pour moi, le mafé de viande. D'accord. Et vous, monsieur ? La même chose. C'est parfait. Deux mafés. Oui, et comme boisson, apportez-nous deux eaux minérales. Vous avez choisi le dessert ? Oui, nous allons prendre la pirogue. Très bien. Alors, deux pirogues. Merci.